j'ai le flow qui coule. Rap comme Gucci, je n'ai jamais fait kiss cool, kiss cool. J'ai plus un rookie derrière moi, toute une histoire est là sur la foi. Son représentant et son esclave. D'ici la beat, mec, du style Bill Daddy. Quel j'ai le schéma de Rakim depuis 1988. Du KRS dans le flow, du choc du dans l'impact. Depuis Grandmaster et MLM, le message reste intact. Devant la rythmique en bouli, mi-car. Te plan l'état critique de Boli. Mite-moi sur les bases, je veux des plages, je veux des cages, je veux des phases. Du clem-si devant ta cabine, je les écrase et les efface. C'est ghost to ghost, tu cherches pas à me tosser. Si tes rimes sont si plates que je pourrais les poster. Je gratte les dingues dont tu claques des dangers. Bah je les vois, je lâche que des tailles de fat de Lirico. Te mène en radeau comme Jericho. Tu restes médusé comme la plupart de mes rivaux illico. J'pète des bêtes de beat et plus des buts des beats. Plus de bruit de bricks et le blackout. Comme si mon gig est de folk out. Je me bagarre, ça finit en paire de cocards. Trêve de bobard, tu connais me plonger dans le fond molle. Mais j'pète le bocal et te balance une torgnole. Ça va se Débarque et place des phases, m'éclate grave. Kick le beat sur des basses efficaces qui claquent une rythmique. Qui casse des briques, c'est ta technique évidemment. Cherche pas à comprendre et surtout ne sois pas gêné d'apprécier l'essence déconcertante avec laquelle mon flow s'écoule. Tu es trop navrant, t'as pas les bases, retourne à l'école du micro d'argent. Car moi je t'écrase des pides, des rimes, exprime des idées. Je suis décidé, même si la piste est minée, je vise les cimes et brise des clichés. C'est de la folie, personne n'en revient sans blessure. Certes, pas encore au top, mais loin du zéro, je perdure. Le rêve sur mesure dans le coin du cerveau, je te jure. Toujours dans ma ligne de mire, à la pointe d'une écriture. Considère-moi comme une bombe. Tic tac bouge. Joue le boxon, explose. Boxe avec les mots des trolls. Les folies fous qui font du rap. Un fabrique font sans consistance. Entre dans la danse, la valse des enragés qui ont du son qui coule dans les veines et brise le silence. Garde des traces de mon passé tout en surveillant mes fesses pour parler au futur. Que nous réserve-t-il? J'espère être préservé du pire. Garder ma part de songe intacte. Mon pack rap contact, mes constats graves et mon impact. Je jack-jackasse sur le track tabasse. Et si t'as pas saisi, je suis le solitaire. Loin des pseudo-contestataires qui se trimballent tranquille en parésie. Ça grésille quand je me pose car mes propos ne sentent pas la rose. Règne l'amour sur le globe que je gobe et recrache à ma sauce.